faire ce peu. J'ai extrait le métal de son minerai, laissé les médailles et les minarets. En pays viking, j'ai cueilli le har, j'ai rencontré les ors. En pays viking, j'ai cueilli le paradis. Le premier vol, j'ai volé le feu.